Aristote est un philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, et Auguste fut le premier des empereurs romains de 27 avant notre ère à 14 après. Laurente est une ville au sud de Rome. Le philosophe Aristote rapporte qu'en Égypte, une femme mit au monde 5 enfants d'une seule couche. Il ajoute que c'est la limite de la fécondité humaine, que jamais un plus grand nombre d'enfants ne sont nés en même temps, et même que ce nombre était fort rare. Sous le règne d'Auguste, d'après les historiens de cette époque, une servante de cet empereur mit au monde 5 enfants dans la campagne de Laurente, mais ils ne vécurent que très peu de temps. La mère elle-même mourut très peu après ses couches. Auguste lui fit élever sur la voie de Laurent un tombeau sur lequel on grava le fait que nous venons de rapporter.